tous en enfer. Voiture 8, après tout ce qu'on a souffert, faut qu'on aille vite. On ira tous en enfer. Voiture 8, après tout ce qu'on a souffert, faut qu'on aille vite. On croisera même pas Cerbère. C'est un mythe, on lui donnera des haricots verts avec des pépites. C'est pour les pépites. Ce contrôleur, c'est Lucifer. Sans pied, c'est critique. Il les rougit tous avec son fer. Direct dans la main bite. On ira tous en enfer. Voiture 8, après tout ce qu'on a souffert, faut qu'on aille vite. On voulait juste aller prendre l'air. Entre deux cuites, dans le caveau, qui avait plus de bière, on a pris des frites. C'est bon, les frites. Le messager des wagons-lits a déclaré: pas de sandwich pour les PD, sauf les gentils. On a trouvé ça gonflé et on l'a dit, ils l'ont pas très bien pris. On n'a rien commandé. Bien fait. Bien fait. Bien fait. Dans le wagon c'est désarmé, ça sentait le brûlé. Pourtant c'était écrit non fumeur sur les billets. Yeah, yeah, yeah. Dans le TGV personne parlait. On s'est arrêté, la température a commencé à monter. En enfer, voiture 8, après tout ce qu'on a souffert, faut qu'on aille vite. On est descendu du train, c'était longuet, on a pris nos courage dans nos mains, on a pris nos pieds. Yeah, yeah, yeah. L'enfer c'était pas si loin, sans déconner, le voyage était même pas bien organisé. On ira tous en enfer, voiture 8. Après tout ce qu'on a souffert, faut qu'on aille vite. C'est la fin de l'histoire, merci d'avoir écouté.